viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame, échappée belle. Un monde près de nous a passé tout vu. Échu, tout au travers de notre tourbillon. Et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux, comme le verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime, ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et doit haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque aboutissement. Je m'explique, madame. Et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait, comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts, et non pas la science. Vous avez cru fort mal, et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes, puisqu'ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et sot. La sottise dans l'un se fait voir toute pue. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un fat devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, puisque pour elle, ainsi, vous prenez tant les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Ces certains savants-là peuvent aller connaître valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on se rapporte à ces certains savants, mais on n'en convient pas chez ces certaines gens. Il me semble, monsieur... Et madame, de grâce, monsieur est assez fort sans qu'à son vélo passe. Je n'ai déjà que trop d'insérieux d'assaillants, et si je me défends, ce n'est qu'en reculant. Mais l'offensant aigreur de chaque repartie, l'on... Autre second, je quitte la partie. On souffre aux entretiens ces sortes de combats, pourvu qu'à la personne, on ne s'attaque pas. Mon Dieu! Tout cela n'a rien dont il s'offense. Il entend raillerie autant qu'homme de France, et de bien d'autres traits, il s'est sanctifié sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer. Je ne m'étonne pas au combat que j'essuie de voir prendre à monsieur la thèse qu'il appuie. Il est fort enfoncé dans la cour. C'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance. Et c'est en courtisant qu'il en prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour. Et son malheur est grand de voir que chaque jour, vous autres, beaux esprits, vous déclamiez contre elle. Que de tous vos chagrins, vous lui fassiez querelle, et sur son méchant goût, lui faisant son procès, n'accusiez que lui seul de vos méchants succès. Permettez-moi, monsieur Tristotin, de vous dire, avec tout le respect que votre nom m'inspire, que vous feriez fort bien, vos confrères et vous, de parler de la cour d'un ton un peu plus doux. Qu'elle vient prendre au fond, elle n'est pas si bête que vous autres, messieurs, vous vous mettez en tête. Qu'elle a du sang commun pour se connaître à tout, que chez elle, on se peut former quelques bons goûts, et que l'esprit du monde y vaut, sans flatterie, tout le savoir obscur de la pédanterie. De son bon goût, monsieur, nous voyons des effets. Où voyez-vous, monsieur, qu'elle est si mauvaise? Ce que je vois, monsieur, c'est que pour la science, Razius et Balbus font honneur à la France, et que tout leur mérite, exposé fort au jour, n'attire point les yeux et les dons de la cour. Je vois votre chagrin, et que, par modestie, vous ne vous mettez pas, monsieur, de la partie. Et, pour ne vous point mettre aussi dans le propos, que font-ils pour l'État, vos habiles héros? Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service pour accuser la cour d'une horrible injustice et se plaindre en tout lieu que, sur leur docte nom, elle manque à verser la faveur de ses dons? Leur savoir, à la France, est beaucoup nécessaire. Et des livres qu'ils font, la cour a bien à faire. Qu'ils semblent à trois gradins dans leur petit cerveau que, pour être imprimés et reliés en veau, les voilà dans l'état d'importantes personnes. Qu'avec leurs plumes, ils font les destins des couronnes. Qu'au moindre petit bruit de leur production, ils doivent voir chez eux voler les pensions. Que sur eux, l'univers a la vue attachée. Que partout de leur nom, la gloire est dépensée. Et qu'en science, ils sont des prodiges fameux pour savoir ce qu'ont dit les autres avant eux. pour avoir eu 30 ans des yeux et des oreilles, pour avoir employé 9 ou 10 000 veilles à se bien barbouiller de grec et de latin et se charger l'esprit d'un ténébreux butin de tous les vieux fatras qui traînent dans les livres. Gens qui, de leur savoir, paraissent toujours ivres. Riches pour tout mérite en babil importun. Inhabiles à tout. Vides de sang commun et plein d'un ridicule et d'une impertinence à décrier partout l'esprit et la science. Votre chaleur est grande. Et cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui, dans votre âme, excite... Le savant qui tantôt vous a rendu visite et de qui j'ai l'honneur de me voir le valet, madame, vous exhorte à lire ce billet. Quelqu'important que soit ce qu'on veut que je lise, apprenez mon ami que c'est une sottise de venir se jeter au travers d'un discours et qu'aux gens d'un logis, il faut avoir recours afin de s'introduire en valet qui sait vivre. Je noterai cela, madame, dans mon livre. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut que vos richesses et que vous ferez bien de ne point conclure ce mariage que vous n'ayez vu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture, où je prétends vous le dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle, où vous verrez notés en marge tous les endroits qu'il a pillés. Voilà sur cet hymen que je me suis promis un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis. Et ce déchaînement, aujourd'hui, me convie à faire une action qui confonde l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait de ce qu'elle veut rompre aura pressé l'effet. Reportez tout cela sur l'heure à votre maître et lui dites qu'afin de lui faire connaître quel grand état je fais de ses nobles avis et comme je les crois dignes d'être suivis, dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme ami de toute la famille, assignez leur contrat, vous pourrez assister. Et je vous y veux bien, de ma part, invité. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin. Et monsieur, que voilà, saura prendre le soin de courir, lui porter bientôt cette nouvelle et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous verrons qui, sur elle, n'aura plus de pouvoir. Et si je la saurais réduire à son devoir. J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vos visées, les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, à ne vous point laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue. Peut-être verrez-vous votre crainte déçue. Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadé, et que de votre appui, je serai secondé. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Et ce service est sûr de ma reconnaissance. Sans votre appui, monsieur, je serais malheureux. Madame, votre femme a rejeté mes vœux et son cœur prévenu veut Trissotin pour gendre. Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi bien vouloir ce monsieur Trissotin? C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage. Elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux pour la contrecarrer vous marier tous deux. Pour dresser le contrat, l'envoi au notaire. Et je vais le quérir pour celui qu'il doit faire. Et madame doit être instruite par sa sœur de l'hymen où l'on veut qu'elle apprête son cœur. Et moi je lui commande avec pleine puissance de préparer sa main à cette autre alliance. Ah, je leur ferai voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Nous allons revenir. Songez, elle nous attend. Allons, suivez mes pas, mon frère. Et vous, mon Jean? Hélas, dans cette humeur, conservez-le toujours. J'emploierai toutes choses à servir vos amours. Quelque secours puissant compromettre à ma flamme. Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Oh, mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui. Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez à quel nœud on prétend le contraindre. Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Je vais tout essayer pour nos vœux les plus doux, et si tous mes efforts ne me donnent à vous, c'est une retraite où notre âme se donne qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour.